Antena 1. São 6 horas no continente e na Madeira, 5 nos Açores. O topo da atualidade a esta hora, Nuno. Deslizamento de terras, inundações e limpeza de vias. A Proteção Civil já deu resposta perto de 4. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I bet you love me. On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir les amis, c'est Manu dans On the Rocks comme tous les lundis soirs, ou presque de 19h30 à 20, de 19h pardon à 20h30, je sais même plus les horaires de mon émission. Je ne suis pas seul ce soir et je vous propose en compagnie de mon invité de vous couper un petit peu avec l'actualité et de vous plonger dans quelque chose qui fait du bien, c'est-à-dire les concerts, la musique, et on va détailler la programmation de cet hiver et du début de printemps de l'Astrolabe avec Monsieur Dufaux, Mathieu Bontz. Bonsoir Monsieur Dufaux. Bonsoir Monsieur Bourdier, bonne année. Comment allez? Bonne année, exactement. Meilleurs vœux, je vois qu'on a des problèmes de nez comme chaque janvier, tous autant qu'on est. C'est on vrai. Est un peu en rubais, mais moi je voilà, on goûte, on voilà. Comment allez-vous à part ce petit rhume, Monsieur Dufaux? À part ce petit rhume, ça va plutôt pas mal. Une saison, un trimestre qui vient de se terminer. On en a profité aussi pour aller voir de la musique, écouter de la musique dans d'autres festivals un petit peu ailleurs. Mm-hmm. Donc ça c'est l'opportunité, sachant que comme vous l'avez constaté, ça démarre pas avant fin janvier globalement là. Donc ça laisse le temps à tous les collègues de faire plein d'autres choses, de bosser sur des dossiers et tout ça. Et toi puis, d'aller faire ton marché. Et moi d'aller voir ailleurs. Ce que j'ai fait. Juste après au pop-up, parce que dès le mois d'octobre, j'étais un peu par mon et par vous, mais voilà, c'est une période idéale, et puis après, ça se calme un peu plus jusqu'au mois de juin, quoi. Des petits coups de foudre dans ta musette que tu aimerais bien attraper dans ton filet? Oui, des coups de foudre dans ma musette, ouais, que j'ai découvert. Il y a un festival qui est pour les amateurs de guitare, de batterie, alors qui est quand même assez rock, folk, pop. Il y a pas trop. C'est pour moi ça. Ouais, qui est à Left of the Dial, dans une super ville que j'ai découvert il y a un an, qui s'appelle Rotterdam, et une ville. Avec plein d'architecture, design forte, et puis des anciens témoins du passé, et pas de monument de France pour leur dire comment faut faire, et une bonne association en tout cas qui fonctionne bien, et des lives dans des cafés concerts, pas des grandes salles, pas des grands lieux, plein de propositions européennes d'un peu partout et un peu américaines maintenant, puisque ils ont un parrain qui s'appelle le New Colossus Festival. Ça vaut le coup d'oreille. C'est pas encore des groupes ultra connus, donc c'est pas forcément ce qui est bien, et accessible après les concerts, tout ça, voilà. Donc on y trouve quelques pépites. Ouais. Eh ben moi je viens de découvrir aussi un festival à Saint-Avertin, à côté de Tours, qui s'appelle l'Intime Festival. Ouais. Qui a ouvert là avec Mathieu Cause, le chanteur de Nada Surf, tout seul en solo. J'y étais et dans le genre, vraiment à la bonne franquette, et on cause avec le gars à la fin. C'était vraiment très très bien. J'ai pondu un petit compte rendu de ce concert sur Benzine Magazine, si vous voulez aller jeter un œil sur benzinemagazine.net. C'était une soirée assez formidable avec Mathieu Cause de Nada Surf. C'était vraiment un bon moment, et comme il disait lui-même, c'est sa nouvelle tournée mondiale en solo qui ne comptera qu'une date. Moi, j'avais rencontré dans le cadre d'un moment particulier, c'est qu'il avait fait un concert à La Sirène, à La Rochelle, et puis avant tout seul aussi, ouais. Non, en groupe. En groupe, ouais. Mais j'ai un ami qui fait de la radio comme toi et qui s'appelle Patrice Mancino, qui est un activiste de la radio et qui m'a donc été sollicité par La Rochelle pour faire un moment avec un artiste. C'est bon, ça. Dans une île. Qu'est-ce que tu gardes et tout ça. Et il parle assez bien français, Mathieu Cause. Bah, carrément, ouais. Ouais, ouais. Il parle également anglais, donc il s'est prêté au jeu et on avait tous envie d'être son copain à la fin de l'interview. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Allez jeter un petit coup d'œil à mon papier sur Benzine Magazine. C'est un peu ce que je vous raconte. Ce soir, on va parler de l'Astrolabe et de la programmation, la belle programmation à venir. On va commencer avec deux petits coups de cœur ce soir. On va commencer avec un morceau de... Alors, c'est pas deux artistes, c'est pas des artistes qui seront à l'Astro, hein. C'est les petits coups de cœur perso, mais sait-on jamais. Langkamer, je sais pas si tu connais ça. Non, pas du tout. Voilà, c'est... je crois qu'ils sont de Bristol, ces gens-là. Ils viennent de sortir leur album il y a quelques heures. Ça s'appelle Split the Difference. C'est un des morceaux les plus tranquilles de l'album. Sinon, c'est un peu plus péchu. Et puis, juste après, Sleaford Mods, tiré du dernier album. Ah, peut-être, alors, je voulais te faire un petit jeu, mais peut-être que ça y est, c'est mort. Le morceau, c'est Elitist Goat. Et il y a une invitée vocale sur le morceau. Est-ce que tu sais qui c'est? Non. Ah, bah voilà, tu vas jouer, tu vas écouter. Je te donne un petit indice. Elle est venue chez toi. Enfin, chez toi. À l'Astro. À l'Astro là-bas. À l'Astro là-bas. Donc à toi c'est de ma deuxième maison, certes. Exactement. Ce n'est pas encore ma propriété. Exactement. Donc à toi de découvrir qui est cette chanteuse qui chote derrière les énervés de Sleaford Mods. Mais d'abord, Langkamer avec Split the Difference. Vous êtes dans The Rock, c'est parti. Arrêt brutal, c'est pas moi qui ai éjecté la cassette, c'est le groupe lui-même. Sleaford Mods avec le morceau Elite's Goat. Avant, c'était Lang Kemmer avec Split the Difference, deux nouveautés toutes chaudes. Et as-tu reconnu cette chanteuse? Honnêtement, avec le traitement de la voix qu'on rajoute un petit peu sur les premières, c'était compliqué. Bah oui. Et j'ai pas pu sans tricher. Voilà. Ah, l'enfoiré. Non, parce que c'était, on l'a effectivement accueilli il y a très longtemps, Aldous Harding. Et c'est ça. Mais il y a quand même une particularité que de sa voix qu'on retrouve moins là sur son, son association avec Sleaford Mods. C'est plus délicat, c'est plus discret quand même. Oui, alors c'est le genre de voix qu'elle utilisait pour faire les chœurs derrière ses morceaux à elle. C'est ça. Mais, elle est totalement protéiforme. C'est-à-dire qu'elle a jamais la même voix, cette fille. Ouais. Elle est assez fascinante. Et totalement fascinante sur scène. Je me souviens que à l'Astrolabe, c'était quand même quelque chose. J'avais eu la chance de l'interviewer backstage. Sacré personnage. Ouais, sacré personnage. Et puis elle était venue avec son ami de l'époque qui avait fait Marlon Williams. Ouais, qui avait fait la première partie, ouais. Et qui avait fait un duo avec elle à la fin du concert. Et c'était un très très très bon moment. Bon, il a triché, mais on lui donne le point quand même. Vous êtes donc dans On The Rock ce soir. On se visite comme de coutume l'hiver et le début de printemps de l'Astrolabe. Et on va commencer. Alors évidemment, j'ai mis en tête de gondole de ma setlist les artistes que j'attends avec le plus d'impatience et qui me font frémir. Et en premier lieu, voilà quelqu'un qu'on retrouve, on a l'impression qu'il s'est passé 10 ans tant il lui arrivait de choses à lui depuis sa dernière venue, puisque c'était à Hop Hop Hop et c'était elle. Elle s'appelait Emily Zoé. Il s'appelle désormais Eli Zoé. Mmh. Il va jouer dans le club à l'Astrolabe. Voilà un concert que j'attends depuis bien longtemps. Il m'avait fait l'amitié de me faire un morceau dans les escaliers de l'hôtel du Pont-Loup et c'était vraiment, vraiment magnifique. Et puis, bien, il a eu cette transition de genre. Et donc, Eli Zoé a une voix et cas unique, à mon avis, dans l'histoire du rock, qui a totalement changé en très peu de temps. Vraiment, pour savoir que c'est la même voix, c'est un peu compliqué. C'est pas du tout la même voix. Non. Et il vient de livrer un album que je défends longuement. D'ailleurs, j'ai allé sur ce Benzine, hein, j'ai fait encore une petite pub, j'ai fait un papier là-dessus, sur l'album Shifting Forms, qui est absolument fascinant. On va se passer le morceau Change My Name, qui est l'espèce de pic sur cet album, où vraiment, je pense qu'il met dedans tout ce qui lui est arrivé, tous les bouleversements intimes, et ce morceau est totalement fascinant. Pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de l'année passée. Et donc, tu l'accueilles à nouveau, toujours en duo, mais avec un son dans la voix, en tout cas, différent. Alors, le son dans la voix est différent. La musique est pas la même, parce qu'on évolue, et surtout entre tous ces temps-là et ces temps forts qu'il a vécu. Il annonçait déjà, quand on l'avait accueilli, alors moi, je l'ai su rétroactivement, parce que quand on l'avait accueilli au Pop-Up, déjà dans les certains morceaux, il annonçait l'idée de ce changement, en fait. Parlait dans ses paroles déjà. Hello Future Me s'appelait l'album. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour le coup, elle avait pris la parole en public pour en parler. Elle en parlait juste à travers ses morceaux. Et de moment, façon assez subliminale. Ouais, et c'était assez, ouais, c'est ça. Et quand tu dis Hello Future Me, t'étais pas censé savoir qu'elle allait changer. Parce que voilà, ça pouvait faire plein de paraboles associées à ça. Et puis elle l'a revendiqué dans une radio suisse, où elle a dit le pourquoi du comment. D'ailleurs, l'interview est filmée, et puis elle est super intéressante, parce que il est passionnant. Ouais, il est vraiment passionnant. Il est passionnant, et puis il fait partie de c'est aussi au-delà de lui, ce qu'il représente, c'est toute cette scène suisse alternative, indépendante, que j'aime beaucoup, qui est notamment le label Humus Record, ouais. Dans lequel elle est là-dessus, dans lequel on a pu accueillir Louis Jucker, les Cold Guns également. Tout ça, c'est cette scène do it yourself un peu, qui oublie que la Suisse est là en fait, et tire profit de l'humain, d'entraide musicale. Il y a des musiciens en commun chez tous ces labels là qui accompagne Ellie sur la tournée, du moins un en l'occurrence, et voilà. Et pour le coup, ouais, moi j'aime bien le personnage, j'aime bien les compositions, et la voix est effectivement différente, mais on est derrière lui, quoi. Mais d'autant plus touchant. Ouais. C'est-à-dire que voilà, sur ce morceau, la Change My Name, ça sera dans le bar, hein, ça sera dans le club, oui, à l'Astro. Accrochez-vous au bar au moment où il va le jouer, parce que je crois qu'il sort toutes les tripes au moment de ce morceau. La dernière tournée, déjà en duo, avait dû être annulée après les dates de l'Astro, bien sûr, après de Pop-Up. Ça avait été annulé parce que justement la voix ne pouvait plus être en adéquation avec les compositions précédentes. C'est un album que je trouve fascinant, et c'est vraiment un artiste surdoué. Vraiment vraiment surdoué. Il sait pas lire une note de musique, il compose vraiment à l'instinct, et il est assez fabuleux. Cet album est vraiment, alors comme je le disais la dernière fois dans le dernier quiz où on a décortiqué cet album, si on a en tête la voix et les albums précédents, etc., on est désarçonné au départ. Mais en lui-même, cet album est vraiment assez fantastique. Et pour moi, c'est un des très très grands albums. Ça va être une très belle date, ça. Le 26 mars, il y aura Mossai Mossai en première partie. Un petit mot de Mossai Mossai. Quatuor Tourangeau, que j'avais déjà accueilli une première fois, que j'ai accueilli une deuxième fois, avec un album qui est un peu différent du précédent. Oui. Porté par trois musiciens et une musicienne chanteuse, avec des paroles en français, des structures de morceaux assez iconoclastes, assez différents de ce qu'on peut entendre, surtout jouer, composé par des gens qui ont 25 ans à peu près. Ils sont pas allés sur la voie la plus accessible, non, la voie ça, la plus facile, ça c'est sûr. Mais en live, et puis même l'album, on digère ça au fur et à mesure, et il se passe vraiment des belles choses en live. Donc j'étais content de les associer avec Elie Zoé. Ah, y a des moments lyriques. Complètement. Ouais. C'est parti, Elie Zoé, Change My Name. Ce sera le 26 mars. À noter qu'il y aura une interview dans The Rocks, normalement, si tout se passe bien, et peut-être un morceau acoustique. Pour ce passage d'Elie Zoé, ce sera les retrouvailles. Change my name, make some holes in my brain to see the light. Stabilize, take a look through my things and figure me out. We'll be right back. my face, the disorder created calls me now. Emphasize all the features in me. Un sacré morceau quand même. Ouais. Sacré morceau. Ce sera donc le 26 mars à l'Astro, dans le club, avec une interview et une émission spéciale à suivre dans On The Rocks. Il y aura aussi une émission spéciale à suivre. Tu voulais rajouter quelque chose sur Je pense que je viendrai à ce concert-là. Ouais. Bah écoute, je vais voir avec le programmateur s'il reste des places pour toi, mais bon, on va voir ça. Il y aura aussi une interview, une émission spéciale et un papier dans Benzine pour fêter cet album, puisque c'est une release party qui aura lieu le 13 février. Et là, on attend ça avec beaucoup d'impatience. C'est la release party de Griff, duo quasiment orléanais, on peut dire. Ouais. À moitié. Ah bah, elles ont commencé à Orléans et puis depuis Tori s'est évadé à Paris, mais c'est Orléans. Exactement. Représente. c'est le premier album. Il y a eu évidemment beaucoup de concerts. Il y a eu quelques singles. Il y a eu aussi des participations à d'autres groupes. Elles sont toutes les deux les filles de Griff dans le groupe de Mathieu Malon. On avait pu les voir au pop-up derrière. C'est ça. Discrète, hein, derrière. Là, vous allez voir Griff sur scène. C'est le 13 février. Elles sortent leur album Sœur d'Oranger. Il y a déjà deux singles. Ta gueule gros con qu'on va se passer maintenant et qu'on a tous fredonné à Noël à table lors du repas de famille. Et Sœur d'Oranger, le morceau, qui également est sorti. Diane m'a fait l'amitié de m'envoyer l'album. J'ai pu poser l'album, l'oreille sur l'intégralité de l'album. Et ben, sacré album, et c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux pour elle, c'est-à-dire que c'est varié. Il y a plein d'ambiance dans cet album, mais il y a toujours cette fraîcheur absolument rarissime de nos jours. Voilà, donc c'est Griff, c'est en concert. Ça sera dans le club également. Ça sera dans le club, ouais. Elles sont actuellement dans le club pour réviser leur partoche et préparer un bon concert et un beau concert pour cette nouvelle compo, puisque ça va être là. Certaines compos, on a pu les voir dans les derniers concerts quand même. Elles vont pas tous jouer. On va pas tous découvrir et toutes découvrir ces morceaux, mais c'est une étape importante pour un groupe, c'est-à-dire d'avoir fait quand même sillonner la France comme elles l'ont fait en recevant des appels, le bouche à oreille, en séduisant les gens sur scène avec tout ce que tu viens de dire avec précision et quel charme un peu de ce groupe-là. Elles ont parcouru des festivals plus ou moins connus, voire très connus, et puis elles en sont un album. Elles le sortent chez Figure Libre Records, donc ça reste en région centre. Et elles ont trouvé un partenaire pour trouver des dates, qui est Lilo Productions, qui est basé dont le siège est basé à Châteauroux, et certains sont basés à Tours. Donc une production régionale qui va défendre cet album-là. Et moi, j'ai hâte à la fois de les voir avec ces nouvelles compos que je connais, je les ai vues plusieurs fois, et l'association qu'on a fait sur ce plateau-là, qui sont puisqu'elles seront accompagnées par un autre groupe qui s'appelle Bacante, qui est incarné par quatre femmes qui ont eu des parcours différents avant Bacante dans plein de groupes différents. Elles sont décidées depuis 10 ans de faire de la musique ensemble. Et malheureusement, elles font leurs 4 derniers concerts et puis ensuite elles arrêtent. Ce plateau-là, je le trouvais bien parce que j'aime beaucoup les deux groupes pour des raisons différentes. Je trouve qu'il y a des atomes crochus, il y a des compos. À un moment, on retrouve chez certaines compos de Griff et de Bacante ces harmonies un peu médiévales, ces harmonies un peu voilà qui sont d'un autre temps. Et pas mal de singularités. Comme l'une comme l'autre, Bacante, c'est 4 voix avec un instrumentarium assez fourni, alors qu'en face nous avons Griff qui est minimaliste, tom basse, ouais voilà basse. Mais malgré ce minimalisme, il reste quand même, il y a une patte qui se dégage de ce concert là. Voilà, à la fois les textes, l'écriture, le militantisme à travers tous ces textes là qui se dégagent là-dessus. Elles sont la preuve que le militantisme peut être efficace, et d'autant plus efficace s'il est léger et humoristique. Je suis complètement d'accord. Ouais, et on l'oublie en fait, on l'oublie de façon comme on a l'habitude de voir du militantisme aujourd'hui. Mais ça infuse. Et ça infuse, ça se digère, et non, bravo à ces deux groupes là, et hâte de les voir toutes les deux en concert. Ouais. Exactement. Donc surveiller à venir. Une petite interview également dans On The Rocks de Griff pour cette release party, donc soirée émouvante, puisque une certaine fin de parcours pour un groupe et le début pour un autre. C'est ça. Croisement émouvant. Ta gueule gros con, je ne m'adresse pas à toi. Car tu n'es pas gros du tout. Non. C'est parti. Pas encore, ça va venir. C'est parti, Griff, c'est le premier single de l'album et ça fait à peu près ceci. Y a tellement d'habitants dans cette poubelle. Cette poubelle. énormément. En plus de ça, tu mens. C'est le moment où moi je dis. C'est le moment où moi je dis. Oui, sur scène, ça va être très très bien, ça. Je pensais. Griffe, donc, avec TGG, c'est tiré de leur dernier album, Sœurs d'Oranger, qui ne devrait pas tarder à sortir. Il sort au mois de février. Il sort le jour de la... Ah, bah, c'est la release partie. Du concert. Bah voilà, c'est ça, comme ça, c'est un bon moyen mémotechnique. Là, c'est un groupe qui... Alors, on va pas dire un groupe qui démarre, mais c'est un groupe qui sort son premier album, qui fait des listes quand même pas mal autour. Et puis, il y a quand même des artistes qui vont passer à l'Astrolabe, et en particulier sur cette date du 21 mars, qui sont des artistes qui sont déjà très confirmés sur scène. Et alors là, ça va être aussi une grosse soirée. Et claque, c'est Laïe Grosse. Je te laisse un peu raconter ça. Oui, alors Laïe Grosse, c'est la première fois qu'elle vient à l'Astrolabe. Elle est peut-être déjà venue à Orléans, mais je m'en souviens pas. Et ben, je suis pas sûr, moi. Ouais, et elle en est pas à son premier album, comme tu disais, contrairement à Griff. Elle a 5-6 albums à son actif, d'origine argentine, et elle développe ce qu'on... Elle est partie de la cumbia pour en faire sa propre musique. On appelle ça de la new cumbia, voilà, avec sa voix, avec ses musiciens, musiciennes. Donc une certaine façon un peu, je sais pas si c'est moderne, mais en tout cas c'est sa patte à elle. Et je me suis dit que c'était chouette de pouvoir l'accueillir, puisqu'on n'a pas forcément de couleur musicale comme ça à l'Astrolabe, et c'était une ouverture. Et puis c'est une femme qui joue beaucoup dans plein de festivals, grosse réputation scénique. Donc on est là pour danser en plus de chalouper, etc., au contact de sa musique, quoi. Grande salle là, du coup? Grande salle, ouais. Oui, et première partie? Oui, il va en avoir une que je suis en train de chercher, voilà, actuellement. D'accord. Très bien. Eh bien, ça s'appelle Laïe Grosse. Ça va vraiment être un très très bon moment. C'est un samedi soir. C'est le 21 mars. Et ce morceau qu'on va se passer maintenant, qui s'appelle Vienne et Demi, est complètement addictif. C'est-à-dire que vous mettez ça et vous dansez tous dans la cuisine. Normalement, si tout se passe bien. Suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto. cambió mi vida. Camarada de rebelión, florcita macumba, la despedida. No digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Cœur de l'hiver, bah ce sera plus l'hiver. Ce sera le premier jour du printemps, je crois. Exactement, le 21 mars, ce sera l'Aillé-Gros avec ce concert donc à l'Astro dans la grande salle. Il va y avoir un concert qui va arriver bien plus vite que ça. Ce sera la semaine prochaine, le 3 février, avec à l'Astro, vous êtes toujours fidèles aux Nuits de l'Alligator, ouais, qui reviennent. On va se passer les Harlem Gospel Travelers avec How Can I Lose, enchaîné avec Celia Wa et Sango. Peux-tu nous parler de ces deux groupes, Mathieu? Eh ben, Harlem Gospel Travelers, c'est trois chanteurs chanteuses qui ont bénéficié d'un programme d'un grand chanteur de soul américain qui les a un peu chaperonnés et qui leur a un peu mis l'oreille dans la soul, en fait, sachant que ils viennent du gospel. Alors, comme beaucoup de gens aux États-Unis, le chant gospel peut être un chant quotidien, en tout cas, ou hebdomadaire, puisqu'on le chante à l'église pour certains d'entre eux et d'entre elles. Et il y a plein de gens qui chantent très très bien sans savoir. Bon, ils traversent pas tous l'Atlantique pour faire des concerts, mais en l'occurrence il y a matière à vraiment à des belles voix, et on les a déjà accueillis à l'Astrolabe dans le club il y a quelques temps déjà. Et c'est assez surprenant, c'est à la fois des racines gospel, elles existent, de la soul, des choses un peu plus rythmiques, proches de la funk, mais vraiment lointain, avec des musiciens derrière. Et pour le coup, on se prête au jeu, on chante, on danse, c'est un peu la communion générale. Et eux, ils ont un peu ce côté queer, un peu qui défendent aussi dans ce cadre de musique traditionnelle entre guillemets, qui est assez voilà. Et c'est incarné par aussi des gens qui ont à peine 30 ans, quoi. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et Celia Wa, c'est une autre. Là, on change de coin, puisqu'on on est plutôt dans les du côté de la Martinique. Et en fait, elle vit là-bas, elle chante très très bien, elle y a pris le blues qui est passé à travers cette île-là, des musiques aussi un peu plus liées à la Martinique. Elle a mis ça, tout ça, avec toutes ses racines, qu'elle a pu hériter de cette île-là, qui est vraiment, avec la Guadeloupe et d'autres îles comme ça, qui est une somme d'influence de par depuis plusieurs siècles quand même. L'histoire, hein. Et elle a une patte à elle. Elle a vraiment un truc assez étonnant. Moi, j'ai découvert vraiment, pour être sincère, grâce aux Nuits d'Alligator. Ouais. C'est leur fonction, hein, c'est de nous faire découvrir des choses et des choses improbables avec ce mélange de genres. Et l'association de ces deux groupes-là, je pense qu'on va passer une belle soirée. Donc cette soirée, on le rappelle, ce sera le 3 février, la semaine prochaine. Grande salle. Club. On transfère dans le club, ouais. Club, d'accord. Ouais. Et je vous conseille d'aller regarder la pochette du Harlem Gospel Travelers de l'album, qui est assez croquignolesque. C'est parti, mais en tout cas, ces trois-là savent chanter. La preuve, How Can I Lose, c'est dans The Rocks, et ça annonce le concert de la semaine prochaine. How can I lose? How can I lose? How can I lose with the help of God? How can I lose? How can I lose? How can I lose with the help I've got? How can I lose? How can I lose? How can I lose with the help I've got? How can I lose? How cambio koya sangiri lagiri o lagiri kakaka ina loju ina lenu efina lasan endalaye ina nbe lodo baba mi ewe pe mi oko ya la semaine prochaine, c'était Celia Wa avec Sango et les Harlem Gospel Travelers avec How Can I Lose. Ce soir avec Mathieu Dufaux dans The Rocks, on visite la programmation de l'Astrolabe et on va passer à la date du 8 avril, qui fera peut-être un peu plus chaud, et en tout cas c'est une date assez saillante dans la programmation, puisque c'est une pointure et c'est la venue de Bertrand Belin. Oui, qui revient à l'Astrolabe, parce qu'il avait, il était passé par d'autres salles, d'autres villes, d'autres, voilà. Et, depuis, il a fait pas mal de choses. Il a écrit des bouquins, il a joué dans des films, des longs métrages. Donc, il a eu une activité assez remplie ces dernières années, quand même. Et, l'album qui vient de sortir est bon. Content de le revoir. Je pense que faut en profiter à l'Astrolabe, parce que ça sera la dernière fois qu'on le verra à l'Astrolabe sur cette formule astrolabienne, puisqu'il a, il rencontre depuis cet album-là et l'album précédent un succès qu'il n'avait pas rencontré pendant sa carrière, qui est quand même, qui date de pas mal de temps. Parce qu'avant Bertrand Belin, il jouait dans un groupe qui s'appelait Les Enfants des Autres, un groupe instrumental qui était plutôt bien, qui était venu à l'Astrolabe grâce à l'initiative de Gérard Bedu, que je salue au passage. Oui. Un festival, qui s'appelait, je me souviens plus, j'ai pas tout me souvenir, mais voilà. C'est le rhume. Et pour le coup, plus ça va, plus il y a des gens qui viennent le voir en spectacle, qui viennent le voir écouter sa poésie, ses textes, mis en musique par lui et ses musiciens, musiciennes qui l'accompagnent. Et voilà. Content de l'accueillir. Le mec reste toujours aussi accessible. Voilà. Il a pas bougé. Je l'ai vu dans un long métrage, il y a un peu plus d'un an, l'année dernière, je sais plus si c'est le roman de Jim. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé très bon. C'est le père qui revient et qui dégage le beau père. Et j'ai trouvé bon dans ce film-là, et puis de manière, le film était bien, bon, voilà. Et puis en première partie, il y a une jeune femme, Louise Papier aussi, qui n'est pas ses premiers concerts, mais a moins d'expérience que Bertrand Belin, mais qu'on a pu choisir et mettre en avant, donc je suis content aussi qu'elle puisse partager la scène avec Bertrand Belin et nous montrer ce qu'elle sait faire sur scène devant un public où je vous informe quand même qu'on n'est pas loin à 30 personnes près d'être complet. Ah voilà. Bah c'est maintenant alors. Voilà, d'accord. C'est maintenant. Ouais. Bertrand, alors je suis peut-être en train de confondre, mais est-ce qu'il n'était pas déjà venu à l'Astro avec JP Nataf, Albin de la Simone? Non, c'était pas ça l'allemand. Alors il est je pense que c'était Albin de la Simone, JP Nataf, Bastien l'allemand. Ouais, c'était pas le quatrième lui. Et je sais plus. En fait, nous on l'a déjà accueilli déjà Bertrand Belin sous son nom Bertrand Belin. Ouais. On l'a fait aussi au théâtre d'Orléans. Ouais. Ce qui est pas idiot. Ouais, parce que ça permet parce que tout le monde n'assiste pas au concert debout notamment. Et puis je crois que sur le dernier album, il était pas venu chez nous, il était pas venu à Orléans, mais il était venu au château d'Eau à Blois. À Blois. Ouais. Voilà. Ok, donc ça c'est bientôt complet. C'est le 8 avril et on va se passer un extrait du dernier album qui tourne pas mal sur Inter d'ailleurs, L'Inconnu en personne. Donc c'est une sorte de petit tube. Ouais. Un tube. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'elle, ni d'ailleurs, dedans, mais j'entends leur pas dans le désert, j'entends leur pas dans la prairie, en ville. Sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent, je les entends faire prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'eux, ni d'ailleurs, dedans, il y en a un bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre boule de ses efforts, emportée dans la mort, l'amour, le carbone. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'eux, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon. Il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du putrin. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans. Le 8 avril prochain à l'Astrolabe, c'était Bertrand Belin tiré de son dernier album, L'Inconnu en personne. Et alors c'est un peu un revenant à l'Astrolabe, mais alors là il y a vraiment un revenant qui revient à l'Astrolabe. Ce sera le 13 mars et c'est Sinclair. Ouais, Sinclair qui était venu il y a vraiment très longtemps, comme tu le dis. Depuis, il a fait plein de trucs et puis il s'est posé. Un petit passage à vide. Ouais, voilà, il s'est posé aussi. Et en fait, c'est suite à un coup de téléphone de son premier manager qui l'a repris en main il y a pas très longtemps. Son premier manager à qui on doit plein de choses et puis qui a migré de Paris vers Arles pour se poser aussi, pour fuir un peu. Paris et tout ce que ça implique dans cette ville et puis dans l'industrie musicale. Donc il s'est posé et puis à un moment il a été sollicité par Monsieur Sinclair qui sortait des albums et il avait besoin de s'organiser un peu plus. Donc il a fait appel à son ancien manager avec qui garder des contacts, qui est plutôt qui avait pas refait du management, qui vivait de la musique à Arles mais plutôt dans la variété, etc. Et puis avait pris plus de temps pour sa vie perso et son environnement. Et donc il lui donne un coup de main pour refaire surface. Alors là c'est plus pour parler des vieux morceaux, des anciens, de ceux qui ont nourri la carrière de Sinclair. Peut-être pour après ensuite l'accompagner vers un nouvel album. Il en a sorti un il y a pas très longtemps qui a un peu passé inaperçu. Oui, qui était pas excellent, voilà, à vrai dire. Voilà. Et là, on va le revoir vraiment sur les morceaux forts de sa carrière qui vont être sélectionnés avec lui et puis son manager. Quoi. Puis ça a toujours été un artiste de scène, Sinclair. Ouais. C'est-à-dire que sur album, c'était un petit peu en dessous de ce qui pouvait se passer sur scène. Carrément. Justement, ça tombe bien puisque je suis pas allé piocher dans les derniers albums qui, comme je le disais, moi m'ont pas tellement séduit. Je suis retourné à la source et puis on va se passer le morceau Votre Image qui a un peu vieilli forcément mais qui moi en préparant l'émission, je l'avais un peu oublié ce morceau et malheureusement, je crois qu'on a un peu oublié Sinclair sur scène aussi, tout ça c'était un peu passé inaperçu. Donc je lui souhaite de retrouver un peu le goût de la scène et de la lumière. Voici Votre Image et ceux qui sont vieux comme moi, pas comme toi Mathieu, je sais que tu es beaucoup plus jeune que moi. Se souviennent de ce morceau-là, on était très très très très jeunes. Je n'ai trouvé assez de courage. Osez vous affronter. fait qu'on pense mes erreurs. Quelle douleur, quel con d'avoir cru être à la hauteur. J'entends encore toutes ces confusions. Ce mensonge livre pas vos messages. C'était Sinclair qui reviendra à l'Astrolabe le 13 mars prochain. Une petite bise à Monsieur Hup Xavier qui écoute ce soir et qui te fait la bise, mon cher Mathieu, qui est officier ici même en instant. C'est le talentueux Xavier Hup. On continue à se visiter un petit peu la programmation de l'Astrolabe, mais on parlait avec le patron, Monsieur Rob, qui est venu couiger la dernière fois, du futur Astrolabe qui sera en 2027. Non, 2028 ou 29, ouais, selon la durée des travaux et selon la livraison, mais voilà, grosso modo, soit en septembre 2028 ou soit en janvier 2029, en tout cas pour les premiers concerts, ouais. Bon, tu trépines pas d'impatience de programmer dans cette nouvelle salle? Il va falloir, oui, c'est excitant, puis c'est excitant de tous s'en retrouver dans un lieu qui est fonctionnel, dans un lieu au rez-de-chaussée qui va pouvoir nous permettre de faire plein de choses à l'intérieur, en dehors des murs, parce qu'on aura la chance d'avoir un jardin privatif où on va pouvoir accueillir 400 personnes qui vont avec une scène, tu vois, extérieure. Ça c'est très bien. Ça c'est plutôt chouette. Un lieu d'accueil aussi pour le public qui va à la fois servir de lieu d'accueil pour les concerts, mais qui poussera ouvert également hors période concert pour les jeudis, vendredis, samedis. C'est un peu le projet. L'histoire de pouvoir sortir de son bureau, de boire un café, un thé, un petit jus, etc. Et de passer, d'écouter du bon son et puis voilà, juste faire sortie de bureau ou après-midi, voilà, tout simple. Ça, on va essayer de le développer. Un lieu aussi où Julie va pouvoir avoir la chance d'un lieu dédié à l'action culturelle et y faire des choses qui ne dépendent pas des concerts, des résidences, des filages et tout ça. Vraiment, son lieu à elle et aux enfants et aux adultes. Aux écoles. Ouais, ça c'est plutôt la classe. Les locaux de répète qui nous rejoignent, donc l'équipe et l'équipe avec. Donc on va former une seule et même équipe qui était jusqu'à aujourd'hui et encore pendant deux ans séparée dans le centre-ville et à l'Astrolabe, ouais. Voilà au 108 et voilà. Et ça c'est plutôt important pour tout le monde de les avoir au quotidien, de pouvoir descendre voir des groupes, de pouvoir aussi partager la même unité de lieu pour travailler ensemble en équipe. C'est plus pratique. Voilà, plein de choses pratiques aussi pour les artistes qui vont pouvoir voilà avoir des conditions d'accueil ou manger en dehors de la scène, parce qu'on mangeait dans la scène, et voilà, et donc avec une amplitude de repas qui sera plus fonctionnelle pour et qui pourra permettre aussi de débuter les concerts beaucoup plus tôt, en semaine, et ça c'est plutôt pratique pour les gens qui se lèvent tôt, et il y en a plus qu'on ne pense, et beaucoup plus que nous en tout cas, ça c'est sûr que moi, et on nous reproche souvent de terminer un peu tard en semaine, ce que je comprends complètement. Sachez qu'on n'y peut rien, hein, on mange dans la jauge public, donc on les fait pas manger à 4h de l'après-midi, les artistes non plus, donc on est un peu contraint par ces horaires-là, et là on va pouvoir... Plus de liberté générale, quoi. Ouais, globalement, dans un nouveau quartier aussi, qui va se développer, se dessiner au fil des années, parce que... Tu peux nous rappeler où c'est, sera. Et ben là, vous voyez la gare de Fleury-les-Aubrais. Très bien. Il y a la gare de Fleury-les-Aubrais, ben il y a ces voies de chemin de fer, et l'autre côté, il y a des anciennes manufactures de tabac qui sont sur des centaines de mètres linéaires, dans lequel il y a le moulin à gaufres qui est dans ce coin-là, et puis des sièges sociaux qui sont installés dans ce coin-là. Et nous, on sera vraiment l'autre côté, à côté de la grande cheminée, qui est un peu la trace de l'histoire de ces tabacs-là, qu'on va pas démolir. Et c'est une surface de pas loin de 4000 mètres carrés qui sera construite. Et puis, premier coup de pioche, normalement, octobre de cette année. Bien. Voilà. Toi, déjà, ton bureau fera 3000 mètres carrés, donc il reste 1000 mètres carrés, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, j'ai ma piste de skate, ma piste de, voilà, qui est tout parfait, quoi. Et donc, du coup, la nature des artistes programmés va changer diamétralement, ou ça sera ouvert à certains artistes que vous ne pouviez pas toucher, vu les jauges, et que vous pourrez peut-être toucher maintenant? Ah, bah, il y a tous les artistes qu'on a pu accompagner, certains qui ont fait le club ou la grande salle et qui peuvent plus faire la grande salle parce que la salle de l'Astrolabe, c'est 500. Parce que la grande salle n'est pas si grande. Voilà. Elle était grande quand on l'a construite, en 99-2000. Et aujourd'hui, elle est chouette, elle a une bonne capacité. Mais si on veut conserver certains artistes qu'on a contribué à accueillir et puis qui se sont développés au fil des scènes qu'ils ont pu faire, et ben là on aura la possibilité de quasiment avoir une scène qui fera le double en capacité, puisqu'on peut aller jusqu'à 1200 voire 1400 en scène augmentée. Donc effectivement, ça va changer, on va pouvoir la donne. On va à la fois pouvoir accueillir des artistes qui ne venaient jamais, et parce que notre scène était petite, même s'ils voulaient venir à l'Astrolabe parce que l'accueil fait que les gens viennent et sont contents d'y venir pour plein de raisons différentes, dont celle du repas quand même. Et là on va pouvoir les capter. La proximité de Paris va être pratique pour accueillir aussi des résidences. Sortir de Paris pour faire des résidences, ça a l'air de rien, mais ça fait une espèce de respiration, ouais. Dans un lieu fonctionnel plus accessible qu'un lieu privé à Paris. Et on va ouvrir aussi la programmation, parce que c'est une salle qui est 1200, donc forcément des nouvelles têtes, un nouveau public va arriver. c'est certain. Ce lieu, il avait le lieu de l'Astrolabe actuellement, même si les gens commencent à le connaître, mais il y a encore des gens qui le connaissent pas, et puis il est pas identifiable de l'extérieur. On bah sait oui, pas. Faut être initié. Faut être initié. Là, ça va être un bâtiment signal, donc forcément tout le monde va le voir ce bâtiment, puisque c'est un archi, des archis qui sont derrière ça avec un geste signal d'architecture, donc forcément il sera identifiable. Ah, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler de loin à des chaînes. Vous voyez les chaînes, pour ceux, c'est en fait c'est ces vieilles structures d'industrie en fait qui étaient un peu en triangle. Et donc ils ont fait un clin d'œil à ce passé là. Ok. Bon bah c'est excitant tout ça. Ouais carrément. Et puis il y a pour le coup on attend des nouvelles, mais Julie et Caroline ont prévu aussi des actions culturelles de la première pierre à l'inauguration sur le terrain. Pendant les travaux, avec les ouvriers, avec les archis, avec les voisins, voisines du quartier, etc. Donc si on arrive à avoir les financements requis, on aura beaucoup de rendez-vous là-bas. Et puis il y a le tram, hein, qui... Le tram, il est allez, on va dire 30 secondes à pied. Ok. Ouais. À nos âges, 30 secondes à pied, c'est bien. On va attendre un petit peu, vous viendrez en causer ici, hein, si cette émission existe toujours. Ouais. J'espère que oui, mais ouais. Voilà. On va revenir à la programmation de l'Astrolabe, la vieille Astrolabe. ça sera le 28 mars prochain. Alors voilà, une artiste qui m'intrigue, que je ne connaissais pas, je t'avoue. J'ai découvert en préparant l'émission, une voix, c'est Lucin. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous dire, on va se passer la reprise de Weekend Game, beaucoup de reprises, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette artiste? Je pense qu'elle elle a ce timbre de voix qui pour certains morceaux peut faire penser à Amy Winehouse. Tout à fait. Voilà, faut oser le dire, elle a une très belle voix, elle est venue tout seule dans son village du côté de l'Angleterre à chanter comme beaucoup de, elle s'est fait repérer. Elle a pris son temps et là elle a sorti quelques morceaux, donc à la fois des reprises comme peuvent commencer certaines chanteurs et chanteuses, et puis maintenant des compositions. Je trouve que c'est par rapport à tout ce qu'on peut faire dans la soul, etc., où il y a, on en fait régulièrement, où il y a une porte d'entrée qui est peut-être plus accessible par rapport à son répertoire choisi. Et l'idée, c'était de voir un peu, de tester un peu tout, à la fois ce répertoire et puis ces petits clins d'œil à une soul plus variété, en fait, quoi. Ouais, voilà. Tu l'as vu sur scène déjà? Pas du tout. Non. Ça va être découverte. Ouais. Ok. Dans le club? Là, c'est prévu en grande salle pour l'instant. D'accord. Okay. Moi, j'ai vu des images d'elle. À Jazz à Vienne, un festival qui mélange soul, jazz, plein de choses maintenant. Ouais. J'ai vu Jamie Colomb l'été dernier. Ouais. Voilà. Et elle était en première partie, parce qu'elle est toute récente. La voix tient la route, elle est bien organisée. Peut-être un guitariste qui je sais pas si c'est le même encore, mais qui faisait un peu trop de soli pour moi. Tu vois, ces guitaristes un peu démonstratifs. Ça tricotait un peu. Ça tricotait un peu trop pour moi, mais le reste fonctionnait super bien. C'est quoi, c'est cuivre, il y a du big bang derrière, non, ou c'est, non, non, c'est non, non. Minimal. C'est minimal. C'est minimal. Ça s'appelle donc Lucent. Ouais. Lucent avec cette reprise de Chris Isaak. A Wicked Game dans The Rocks, et ça, ce concert, ce sera le 28 mars. Peut-être une interview de The Rocks, pas sûr, mais peut-être encore. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire can make foolish people do. No, I don't wanna fall in love. what desire can make foolish people do. Cette voix, ce sera le 28 mars prochain à l'Astrolabe. Voilà, à voir ce que ça peut donner sur scène. C'est ça. Puis ça fait, c'est parfois quand il y a des artistes qui font des reprises. Là, en l'occurrence, sur, je sais pas si c'est cette reprise ou sur une autre reprise, mais ça lui a permis d'avoir une adhésion autour de cette reprise qui a dépassé l'entendement en termes de lecture, en fait, de stream. Ouais, c'est ça. Donc c'est sa porte d'entrée qui a permis de consolider quelque chose. Tant mieux, parce qu'il y en a pour elle, parce que ça marche pas tout à tous les coups. Et puis elle a effectivement une très belle voix, ça il y a très belle voix. Ouais. Et puis à noter qu'elle est blanche, hein. C'est une ouais. voix qui pourrait être une voix timbrée. Ouais, carrément, non, elle est blanche. Carrément. Donc ce sera ça le 28 mars. J'en profite pendant que j'y pense pour vous dire qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais nous reviendrons la semaine suivante, le 2 mars. Il y aura probablement Jekyll Wood qui sera ici même dans les studios avec sa guitare, qui viendra défendre ses albums. Et puis le 9 mars prochain, il y aura une nouvelle édition de Quij avec Sylvain Trémaux, avec David Fecknam et David Bost qui décortiqueront des petits albums. Les interviews à venir dans The Rocks, Griff, je vous en ai parlé. Elisoé, je vous en ai parlé. Peut-être Pierce Faccini, Balaké Sissoko. Je suis sur le coup, on attend la confirmation. Donc des bien belles choses à venir dans The Rocks. Et puis à l'Astrolabe, le 29 avril, là on tape un peu plus loin, il y aura une soirée qui risque d'être chaude elle aussi, qui verra réunis Kendra Morris, on va se passer un extrait, et Taylor Williams, on va se passer un extrait aussi. Mais qui sont donc ces gens-là? Alors, ce qui les unit en fait, et puis il en manque un, oui, qui, voilà, qui est un jeune auteur dont j'ai plus le nom en tête, mais tu vas. J'arrive. Pour le coup, très belle voix. Alors, qu'est-ce qui les unit? C'est le label Columbine Records, qui est un label américain qui sort des pépites depuis pas mal de temps, comme Sharon Jones et puis son label. Et là, en l'occurrence, c'est la voix, c'est la soul qui les unit. Donc, Kendra Morris, elle, c'est une femme qui. Et puis notre ami Parlor Greens, c'est un trio instrumental. Donc sans voix, mais c'est jazz, soul, acide, et ce guitariste-là a accompagné. Il a une super gueule quand même. Il incarne quelque chose. Il a accompagné plein de grands noms de la soul et du rock aux États-Unis. Il a vraiment cette patte à lui. Donc c'est un peu lui la tête d'affiche. Parlor Greens. Ouais, c'est ouais. Ça. Kendra Morris viendra en second. Et Taylor Williams. Williams qu'on a découvert en fait sur le tard, puisque c'est une proposition qu'on nous a faite après avoir mis ces deux artistes, Kendra Morris et Parlor Greens. On nous a dit le label aimerait bien le promouvoir. Il vient en solo, il sera sûrement accompagné par des musiciens des deux artistes qui l'accompagnent. Et quand j'ai écouté sa voix, quand j'ai écouté son timbre de voix, je dis ouais, let's go quoi, on y va. C'est du sucre mais dans le bon sens du terme. C'est du miel. Complètement, quelle belle découverte quoi. Donc voilà, c'est un beau plateau. Il y a de quoi faire aux États-Unis, et puis il commence à avoir 2-3 producteurs en France qui ont une oreille attentive sur les artistes qui sont pas tous hyper référencés, hyper connus comme Lee Fields, etc., qui a rempli à plusieurs reprises l'Astrolabe. Et quand il y a un club bien blindé ou une grande salle à moitié pleine, mais avec une bonne ambiance, on apprécie bien. Et il y a un public sur Orléans pour le coup. Exact. Ouais. Donc ça sera le 29 avril, grande salle. Grande salle, ouais. Ouais, grande salle. On va commencer avec Kendra Morris, avec Banshee. Et juste après, le fameux Taylor Williams, tout jeune aussi, lui. Tout jeune. Avec le morceau Dreaming, si vous voulez du slow braguette, c'est maintenant. Slow braguette. qui vient de précéder, on ne peut plus rien pour vous. Cette voix. Ça, c'est bien. C'est Taylor Williams avec Dreaming, juste avant Kendra Morris avec Banshee. C'est le 29 avril. Il ne nous reste plus que 4 minutes pour parler d'un autre concert. Moi, j'avais prévu soit Proto... Alors, comment tu dis Protoge? Protoge avec Who Knows, ça c'est du reggae. Ouais. Et Lagon Noir, que j'ai bien aimé aussi avec Fury. Tu choisis qu'on écoute quoi? Lagon Noir. Lagon Noir. Alors bon, Protoge quand même, du reggae, soirée reggae. Ouais, soirée reggae, puis il n'y en a pas 36 000 à l'Astrolabe. Et un des bonhommes du reggae qui est entouré d'un backing band jamaïcain et anglais, qui fait pas partie des anciens du reggae. Donc moi j'ai tendance à être à pouvoir accueillir du reggae quand il y a des belles propositions. Il y avait des belles propositions, mais il y en a beaucoup qui nous ont quittés, voilà. Et après il y a souvent les enfants d'eux qui reprennent le flambeau. Ça, je suis un peu dubitatif. Ou alors après, ça n'empêche pas que les enfants peuvent avoir des talents et puis reprennent le répertoire de leurs parents. J'ai tendance à plutôt m'arrêter aux parents et puis à pouvoir être attentif à des nouveaux qui viennent. Et il y en a. Et Protoge fait partie un peu de la figure emblématique de la. Ça se renouvelle. Ça va du reggae, du raga, des choses un peu plus modernes quand même. Dans, voilà. C'est pas du reggae roots quoi. Mmh. Et c'est un peu un événement de l'avoir à Orléans et qui plus est, il y a peu de dates en France. Donc j'espère que les amateurs et amatrices du genre seront là. Le 2 avril. Ouais. Et puis on y convie un magasin qui c'est Afidred, mais qui est un son de système derrière tout ça. Smash Jamaica son système qu'on ne présente plus et qui va lui ouvrir la soirée avec des versions, des dub plates et puis qui terminera la soirée pour faire danser les gens dans le prolong. Voilà, après les 2 heures de concert quoi. Ça sera donc le 2 avril et puis on va terminer donc l'émission ce soir avec un dernier morceau, ce sera celui de Lagon Noir avec le morceau Fury. Ça c'est dans pas longtemps et ça réunit 2 heures l'année 5 février. Le 5 février, 2 heures l'année qui sont à la basse et au clavier et au sax, à la fois Valentin Secaldi et Quentin Biardot, qui n'habitent plus Orléans depuis un an ou deux, voire un peu plus pour Valentin. Ces deux gars-là qui se connaissent par cœur, qui ont joué depuis 20 ans ensemble, ont un crush avec un batteur qui s'appelle Marcel, qui habite au Burkina Faso. Et avec, ils vont faire des allers-retours pour lui rendre visite et pour faire de la musique ensemble, etc. Ils ont trouvé un truc, mais il manque quelque chose. Et quelqu'un leur présente Anouaro. Anouaro, chanteuse réunionnaise qui a fait 2 albums en son nom propre et qui a une voix magnifique. Et de là, ils se font encore des résidences de travail ce coup-ci à La Réunion. Et on sort un premier album qui est sorti sur un label orléanais qui s'appelle le label Tricollectif. Et là se réunit en fait une voix réunionnaise Anouaro en créole, une voix africaine, pas la même tissiture, pas ils racontent pas les mêmes choses, donc c'est très très beau, un batteur très très bon, mise en musique par des très bons musiciens. Voilà, moi j'ai craqué sur l'album, j'ai craqué sur la première fois que je les ai vus au théâtre d'Orléans il y a plus d'un an, un an et demi, 2 ans même. Je suis content de les accueillir et on accueille une néo orléanaise puisque c'est Canan qui elle est turque d'origine, elle est archéologue, elle est venue à cause d'une mission pour la mairie d'Orléans et elle joue du sarz, un instrument traditionnel turc, et elle va jouer de la musique anatolienne, donc la musique traditionnelle, et pour enrober toute cette belle soirée avec ces ces régions, ces cultures différentes, il y a Carl Verdo alias Alim Fantôme, qui est discothécaire à la médiathèque d'Orléans, qui va faire et qui est chroniqueur ici dans Quij. Ouais. Par exemple, ouais. Oui. Et qui lui a voilà va être parfait pour faire pour mettre les ponts entre toutes ces cultures quoi. Sacré Karl. On l'embrasse. Donc ça c'est le 3 février, non le 5 février pardon. Ce sera l'Astrolabe. Merci beaucoup monsieur Dufaux. Merci à toi Manu. Vous étiez très bien. Merci. Malgré votre rhume. Lagon Noir donc, et je vous laisse avec Rémi la rédac du sport, pas d'émission la semaine prochaine mais je reviens bientôt. Ciao, merci beaucoup. Qui ça, comme ça, qui ça, comme ça, au fond dans le fond la place là.